C'est important parce que la ministre prend évidemment sa décision en toute légitimité parce qu'elle est là pour ça, elle est mandatée pour prendre des décisions de financement, mais elle ne les prend pas toute seule, elle les prend éclairées par un certain nombre d'éléments qui instruisent et qui regardent de façon approfondie les dossiers et en produisent une analyse. Et une... Alors, la crypto, elle n'agit pas toute seule, évidemment, la configuration et la composition de ces instances suscite souvent un regard critique, évidemment, puisque ce sont souvent des professionnels, et donc, par exemple, sur la commission qui traite des dossiers de festivals, par exemple, de reconnaissance des festivals en musique, bah, vous avez des responsables de festivals. Donc, ils sortent, évidemment, quand leur propre dossier est examiné, mais ils sont présents quand on examine les dossiers de tous leurs collègues ou concurrents, et donc, on peut imaginer que par moment, il y ait des tensions qui puissent apparaître. Donc, le système est imparfait, mais il faut savoir qu'il existe, que ça n'existe pas partout ailleurs et que c'est tout de même une caractéristique, je dirais, c'est que votre dossier, il est systématiquement analysé par plusieurs regards. Et donc, pour simplement décrire rapidement le circuit d'une demande, bah, vous avez un projet, vous avez une idée, vous faites une belle note d'intention, ça fait un dossier. Alors souvent, et de plus en plus, les dossiers sont formatés, c'est-à-dire que l'administration fonctionne par formulaire. C'est-à-dire que vous n'avez plus autant de liberté de description qu'auparavant quand vous n'avez pas de formulaire, parce qu'on vous demande de remplir des cases, ce qui n'est pas toujours évident, parce que parfois votre propos ne rentre pas dans une case, il rentre dans trois cases, enfin vous pouvez faire un petit exercice d'acrobatie parfois, mais c'est un exercice qui peut être intéressant, de reformulation tout simplement. Hein, vous avez votre projet, votre dossier, soit il est sous forme de formulaire, soit il est encore relativement libre, et donc vous écrivez les choses comme vous voulez. Vous accompagnez évidemment ce dossier d'un budget, qui là aussi est de plus en plus formaté, on vous demande de remplir un cadre de budget qui est préétabli. Vous envoyez tout ça, il y a un accusé de réception qui vous a adressé, donc on a bien sûr votre dossier. Il y a un premier travail d'analyse qui est mené par le service d'inspection, par le service de l'administration sectorielle, enfin il y a un travail de type recevabilité et première analyse qualitative, c'est-à-dire de pertinence. Par exemple, si vous développez un festival de musique classique dans un village où il y a déjà trois autres festivals de musique classique consacrés à la même période et aux mêmes instruments, bah, au niveau de l'inspection et de l'administration, on va vous dire la pertinence, elle est relative, sauf si vous avez construit le projet en collaboration, en bonne entente, etc. Donc, il y a un premier regard qui vous est fourni là. Ensuite, la commission d'avis musique classique va se réunir et voir si votre projet de concert ou de festival a du sens par rapport à toute une série de critères qu'ils auront préétablis. Généralement, ces avis sont communiqués après à l'opérateur, après la décision qui a été prise, puisque les deux avis de l'inspection et de la commission d'avis sont transmis au cabinet d'avis qui va prendre sa décision. Si la ministre suit l'avis de l'administration, de l'inspection et de la commission d'avis, elle ne doit rien modifier, parce qu'elle précise qu'elle suit l'avis conformément à l'avis de. Si elle ne suit pas, puisqu'elle n'y est pas obligée, elle peut aller à contresens de l'avis de la commission et de l'inspection, elle doit motiver, elle doit dire pourquoi. Hein, donc dans la plupart des décrets, maintenant, la ministre doit justifier pourquoi elle prendrait une décision qui n'est pas celle de l'instruction qui en a été faite auparavant. Dans tous les cas, il y a un courrier qui est adressé à l'opérateur. Vous recevez un courrier qui vous dit « Nous octroyons la somme de » ou « Nous n'octroyons pas, votre dossier n'a pas été accepté ». Généralement, vous avez, alors ça dépend des décrets, mais vous pouvez avoir dans un certain nombre de cas un espace de recours, c'est-à-dire que vous pouvez aller recours contre la décision de la ministre, une nouvelle instruction qui est faite et une nouvelle décision qui est prise. Soit c'est la même, soit c'est une décision différente. Il y a un espace de recours. Le courrier que vous recevez, c'est ce qu'on appelle une lettre de bonne nouvelle. Si la nouvelle est positive. Généralement, celle-là, c'est la ministre qui la signe. Et quand ce n'est pas une bonne nouvelle, généralement, c'est l'administration qui la signe, c'est pas la ministre. Mais avec à l'aide de bonnes nouvelles, vous n'avez pas encore la garantie à 100% que vous aurez l'argent, puisqu'en fait, c'est une décision du gouvernement. Et donc, il faut un arrêté du gouvernement, un arrêté d'octroi. Il faut savoir que le gouvernement se réunit toutes les semaines et au sein du gouvernement, on vote les décisions qui ont été prises par chaque ministre. Alors, généralement, il n'y a pas de problème sur votre dossier. Imaginons que vous déposez un dossier pour organiser une exposition. Vous demandez 5 000 euros, vous avez 4 500 euros. Le gouvernement ne va pas faire 2 heures de réunion sur c'est plutôt 4 300 ou 4 700. D'accord ? Généralement, ça passe tout seul. Mais ce n'est qu'après que vous recevez ce qu'on appelle un arrêté d'octroi, qui là est le document officiel qui vous permet par exemple d'aller à la banque et de dire je vais recevoir 4 500 euros de la communauté française, je ne les recevrai qu'au bout de 8 ans, mais j'en ai besoin tout de suite, donc j'ai besoin, il faut que vous me donniez cet argent directement. Hein. Donc, vous pouvez aller, à l'aide de vos nouvelles ne suffit pas, il faut l'arrêté d'octroi. Le projet, vous allez à la banque, vous recevez 4 500 que vous rendrez plus tard à la banque. Vous faites le projet. Après le projet, vous devez produire des justificatifs et un rapport. Et puis alors, l'argent vous est versé à la suite de ça. Parce qu'il y a un regard de l'inscription des fonds. Voilà un peu le circuit. Donc vous voyez que tout ça, entre le moment où vous avez votre première idée traduite en projet et le moment où vous allez produire les justificatifs et le rapport qui vous permettront de recevoir l'argent, ça peut prendre du temps, sachant que les commissions, par exemple, certaines commissions ont un calendrier de réunion. Les commissions ne se réunissent pas tous les jours. Elles se réunissent parfois une fois par mois, une fois tous les 2 mois, parfois 2 fois par an pour certaines commissions. Il y a des commissions un peu surtout. Hein, donc, il y a des grandes commissions qu'on connaît sur les arts de la scène, par exemple. Etc. C'est une commission qui travaille énormément. Mais vous avez aussi des commissions sur l'utilisation en patrimoine des drapeaux, par exemple. Hein. C'est très, très, ou des langues, l'utilisation de certaines langues à certains. Enfin, voilà, des trucs ultra spécifiques qui, évidemment, ne sont pas. Ne se réalisent pas toutes les semaines. D'accord ? Donc, ça peut. La temporalité du projet, elle est évidemment influencée par ce circuit-là. Et donc, en fonction du projet que vous menez, et la recherche de fonds que vous allez mettre en route, bah, cette question-là va vous permettre d'identifier si oui ou non vous allez solliciter la communauté française, sachant que ça peut prendre du temps et que je ne dis plus là qu'un squelette de circuit, d'accord, mais qu'il y a à l'intérieur et qui nourrit ce squelette, évidemment, une quantité de critères, de conditions qui sont propres à chaque secteur. Hein. Donc, tout ça est généralement très disponible sur culture.be. Si vous voulez avoir accès à ces questions, aux données plus précises par secteur, certains circuits sont plus courts, certains circuits sont très longs. Donc voilà, vous, en tout cas, dans vos premières recherches, vous devez cibler le niveau de pouvoir qui correspond ou les niveaux de pouvoir qui correspondent à la surface, à la superficie de votre projet, et puis à l'intérieur de ces niveaux de pouvoir, voir si l'articulation entre les différentes étapes convient à la temporalité de votre projet. Si vous êtes dans un projet qui va très très vite, qui a une temporalité très courte, là, a priori, il faudra aller voir des niveaux de pouvoir qui sont rapides. Hein, par exemple, une commune, ça peut traiter un dossier en 1 mois. Parce qu'il y a un collège commun qui se réunit toutes les semaines, que généralement, ils n'ont pas 36 formalités. Voilà, ça peut aller très vite. Mais vous voyez que ceci, c'est quand même minimum 6, 7, 8, 9, 10 mois. Quoi, hein. Donc ça n'est pas le même type de réalité. Ok ? Mais tant pas plus, parce que je pense que Mme Lise va ou doit être en train de vous parler de ça, donc je ne veux pas être redondant, mais je vais simplement insister sur ces éléments, notamment de temporalité et de correspondance. Alors sur la question de la sphère privée, la recherche de fonds à la sphère privée, qui est une actualité qui prend de plus en plus de place, puisque ben, les contextes de restrictions budgétaires dans les contextes des pouvoirs publics, qui même si on n'est pas dans le pays le plus gravement touché sur ces questions de restriction, est quand même une réalité. Les budgets de la communauté française ne sont pas spectaculairement augmenté. Ils se sont plutôt stabilisés de façon générale. Un budget de 330 millions dont je vous parlais tout à l'heure. Je regardais les chiffres de 2012, on était à 288 millions. Donc on était à peu près dans le même. Donc il y a 3 ans d'écart, on a plutôt un peu augmenté. Alors, ça crée un autre impact, c'est que le budget global de la communauté française, ceci n'est que le budget de l'administration générale de la culture, et les 330 millions, il faut bien comprendre ça, le budget global de la communauté française, évidemment, est bien plus important, parce qu'on touche autour de 9-10 milliards. 10 milliards, pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a l'enseignement, là, c'est évidemment le plus gros poste dans le budget de la communauté française, mais la communauté française, elle n'est jamais à l'équilibre. D'ailleurs, si vous suivez un peu l'actualité, quand elle clôture son budget, vous entendrez qu'elle n'est jamais à l'équilibre, elle est constamment en déficit. D'accord? Donc, elle est aujourd'hui, je pense, en autour des 200 millions d'euros de déficit. Alors, je vais me dire, mais comment est-ce qu'on peut clôturer un budget en déficit? Évidemment, quand on a un pouvoir public, qu'on a une garantie sur les recettes, parce qu'en réalité, c'est pas l'impôt directement, mais c'est l'impôt par le passage au fédéral, c'est une des sources importantes de la fédération, la principale ressource, c'est le retour de l'impôt collecté par le fédéral qui revient sur la communauté française. Ça, on peut espérer qu'a priori, si tous les citoyens arrêtent de cotiser, de payer des impôts, a priori, il y aura toujours des recettes qui vont arriver. Donc forcément, un pouvoir public n'est a priori que virtuellement en déficit, il n'est jamais réellement en déficit, puisque les ressources vont continuer à affluer. D'accord? Donc c'est comme ça que le choix qui est fait, qui est un choix politique, qui est fait par le gouvernement de la communauté française, avalisé par le Parlement, est un choix de continuer un certain nombre de politiques. Et donc, comme les recettes diminuent et que les charges augmentent, eh bien, on est en déficit. Et chaque année, en réalité, la communauté française ne fait que creuser un peu plus son déficit, ce qui lui permet de conserver des montants relativement stables, en tout cas relativement, parce que en descendant à l'échelle des opérateurs, ça se nuance évidemment. Il y a des politiques de gel, par exemple, on immobilise des nouvelles reconnaissances, on immobilise des montées de catégorie, enfin, on immobilise des indexations, hein, vous savez qu'on suit les indexations ou de la vie, et donc les salaires coûtent, même si on n'augmente pas, les salaires coûtent de plus en plus cher, et donc les opérateurs doivent voir leurs subventions indexées également, et donc ça, il y a des dispositifs de gel de ces indexations-là, donc il y a des diminutions, mais elles sont relativement marginales par rapport à d'autres pays qui ont, au moment de la crise financière, par exemple, réduit les budgets de 30%, de 50%, je pense à l'Italie ou aux Pays-Bas même, où il y a des pans entiers de la politique culturelle qui ont été supprimés. Donc voilà, ici on a maintenu à flot, mais sans développer et en creusant le déficit structurel. Donc ça, c'est évidemment une donnée. Et du coup, évidemment, les opérateurs se tournent vers les sources, d'autres sources de financement, parce qu'à l'échelle des opérateurs, ces décisions peuvent avoir des impacts. Alors, d'où ça vient? Quels sont les repères? C'est une très vieille tradition, évidemment. La question du financement de la création, par exemple, par des commanditaires, hein, la logique du bourgeois, de l'empereur, du roi, et puis après le bourgeois, et puis l'entreprise, hein, si on raccourcit la ligne du temps de façon très accélérée. Qui commandite les artistes, qui soutient les artistes et qui leur permet d'exercer leur art et vous visitez tout au long de votre vie des musées qui ne sont composés que d'œuvres qui ont été commanditées par des. Aujourd'hui, on parle soit de sponsoring ou de parrainage pour parler d'un financement qui correspond à une contrepartie importante d'un événement et on distingue sponsoring, parrainage de mécénat. Qui lui vise plutôt un financement permanent ou en tout cas récurrent avec une contrepartie moindre. Et donc aujourd'hui on distingue vraiment les deux réalités entre sponsoring et mécénat. Par ailleurs, le financement privé est un marqueur culturel puisque par exemple aux États-Unis le financement privé est presque la règle, puisque par rapport à l'Europe, peu, voire pas, de politique culturelle publique, et que, historiquement, au moment où les États-Unis se structurent, il y a de grandes fortunes qui vont chercher à légitimer la réalité économique qu'ils reflètent, hein, dans le processus d'industrialisation. Et donc c'est comme ça qu'il y a pas mal de grands musées qui exposent aujourd'hui parmi les gros morceaux du patrimoine, y compris le patrimoine européen, et qui sont financés, qui ont été fondés et qui sont aujourd'hui financés par des entreprises qui ont succédé aux, aux grandes fortunes. Pense au, au Carnegie Hall, par exemple, New York, qui est l'incarnation de cette logique de financement par des grandes fortunes qui vont légitimer leur existence d'un point de vue culturel. Il y a la même évolution aux États-Unis du point de vue des universités, puisque les universités sont financées sur le même modèle. En Europe, évidemment, on a un autre modèle d'État-providence. L'État soutient toute une série de politiques publiques, et donc notamment les politiques culturelles. Donc c'est l'État qui vient en appui et développe des politiques culturelles, ce qui me permet de vous dire que tous les niveaux de pouvoir en Belgique interviennent sur le champ culturel, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc il y a des réalités très différentes en termes d'historique et de repères selon l'endroit où on se trouve. C'est comme ça que vous avez par exemple un festival comme le festival d'été à Québec, hein, un très gros festival de musique et de chansons avec un énorme budget qui compte à peu près une centaine de sponsors et qui à un moment donné, c'est plus le cas, c'est appelé le festival d'Humourier de Québec, hein, je vous parle de ça il y a facilement une quinzaine d'années, d'Humourier étant le nom d'une marque de cigarettes très très connue au Québec. Donc on imaginerait ici avec un peu de difficulté qu'un, qu'un festival de musique très populaire prenne le nom, enfin j'imagine que ça ferait débat en tout cas, prenne le nom d'une marque de cigarettes. Hein, on peut l'accepter d'un festival de jazz qui se fait parrainer par une marque de voiture par exemple, hein, le Skoda Jazz Festival, je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas c'est une réalité, il y a un festival de jazz qui est parrainé par une marque de voiture. Et donc le nom du festival prend le nom de la marque. Mais si ça devait être le nom d'une marque de cigarettes, je pense que ça créerait clairement un débat, alors que outre-Atlantique, ça existe depuis des années sans difficulté. Hein. Donc il y a aussi toute une série de questions. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ces logiques-là, elles arrivent dans un continuum historique qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, en termes de typologie, il y a trois types de financement du type sponsor ou mécénat. On va plus parler de sponsoring dans cette partie-ci, et puis dans le cas que j'utiliserai en fin de séance pour illustrer un peu tout ce propos, je parlerai d'un mécénat qui est un mécénat de compétences dans le cas du musée Magritte. Alors, trois types de sponsoring, sponsoring de notoriété qui va s'adresser au plus grand nombre dans la cible recherchée, un sponsoring d'image qui va créer une cohérence entre l'image de l'entreprise et l'événement, et un sponsoring de crédibilité qui va plus affecter la notion de qualité de l'événement à la qualité de l'entreprise. En termes d'atouts à développer dans un cadre de stratégie de recherche de fonds dans la sphère privée, bah, il faut faire un travail de téléportation, c'est-à-dire vous mettre à la place de l'entreprise que vous ciblez, quelle sera son attente, quelle sera sa demande, quelle sera la tombée qu'il cherche à obtenir, et en quoi vous pouvez apporter une plus-value. C'est-à-dire que l'entreprise, elle existait avant que vous ne l'appeliez, elle existera après, et donc qu'est-ce qu'elle aura gagné en vous soutenant, en soutenant votre projet. Il y a trois points sur lesquels il faut développer un axe important d'argumentation, c'est quelle est la passion commune, la notion de passion, qui est loin d'être objectivable, mais est une force certainement. Il faut savoir que les entreprises évidemment sont extrêmement sollicitées, donc vous trouver l'approche qui va toucher, l'approche de la cohérence, et puis la capacité à mesurer les retombées, que ce soit des retombées financières directes ou des retombées médias, par exemple, en termes d'image. Vous devez rassurer c'est très important, évidemment, la crédibilité. Vous devez surprendre et vous devez faire en sorte que votre projet marque l'opportunité, faire l'occasion unique pour l'entreprise de vous soutenir. Pour rassurer, vous devez évidemment faire état de votre structure juridique, de ses composantes, éventuellement des expériences que vous avez déjà eu l'occasion de réaliser, des parrains. Ça, c'est souvent un outil, une stratégie qui est utilisée par un certain nombre de projets, c'est de faire appel à des figures connues, reconnues, légitimées, hein, qui parrainent l'événement. Alors souvent, j'imagine que c'est parce que ça rassure le public, mais ça peut aussi, et c'est souvent à ça que ça sert, rassurer des sources de financement. Bref, travailler votre fiabilité, montrer que vous êtes solide. Très important parce que dans la masse des sollicitations, bah forcément, celles qui apparaissent comme les plus fragiles sont les plus rapidement écartées. Le projet doit surprendre. Quelle est l'origine du projet, ses objectifs, le décrire très vite sur les infos pratiques, sur le type de public. Bref, les différentes stratégies, la solidité de votre budget, la stratégie de communication, de promotion que vous allez développer. Et puis marquer l'opportunité, ne pas hésiter à inventer, à adapter, proposer des formules qui ne sont pas proposées par ailleurs. Ça, c'est une quinzaine d'années qui sont apparues dans les dossiers. Sponsor, la logique des formules, c'est-à-dire presque la possibilité pour l'entreprise de choisir le type de partenariat, voire de négocier ce type de partenariat. Alors il y a toujours une phase de négociation, sauf les entreprises qui fonctionnent par appel à projet, qui ont des formulaires types, etc. Donc ça, il y en a aussi de plus en plus, hein. Il y a des banques qui font ça, qui lancent des appels à projet, ça leur simplifie la vie. En fait, c'est vous qui rentrez dans le format qu'ils ont imposé, y compris dans les types d'enveloppes de financement qu'elles consacrent au projet. Mais sinon, il y a tout un travail de négociation qui peut se mettre en place. Hein. Et donc là, à vous d'inventer des formules qui sont susceptibles, parfois très à la carte, d'intéresser votre interlocuteur. Analyser la correspondance, évidemment, entre les montants que vous sollicitez et les retombées que vous pouvez générer, travailler les questions d'exclusivité sectorielle, hein, donc si vous travaillez avec un type de partenaire média, par exemple, a priori, il va vous demander d'être le seul média avec lequel vous signez un partenariat. Travailler la question des services, parfois, une entreprise va plutôt, c'est là qu'on va parler de compétences, hein, sur le cas Magritte, c'est un financement qui sera essentiellement centré sur les services, il n'y aura pas de flux d'argent. C'est uniquement des services. Si un sponsor prend quelle est la place dans la hiérarchie des sponsors, qui est occupé par celui que vous sollicitez. En termes de retombées, il y a plusieurs types de retombées possibles. La visibilité, évidemment. Ça, c'est les logos, la place de l'image. Les relations publiques, donc vous pouvez aussi développer toute une série de stratégies où vous proposez des visites, des vernissages privés, des réceptions, des soirées B2B, des places réservées, etc. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont très demandeuses de ce type d'intervention d'échange-là, parce que ça leur permet, elles, de générer une nouvelle dynamique dans leur relation commerçant à commerçant. Pareil sur la communication interne, de grosses entreprises sont souvent soucieuses d'une communication interne qui n'est pas facile à organiser, donc souvent, l'appel à des événements culturels est une manière de créer une dynamique interne. Ça peut aller jusqu'à intervenir dans les publications internes à l'entreprise, des entrées pour le personnel, même une implication. On a vu des compagnies de théâtre faire des animations ou des structurations de séminaires au sein des entreprises, par exemple. Des artistes qui, par ailleurs, proposent des spectacles, etc., qui se proposent dans le cadre d'un financement global, de consacrer une partie de leur temps à des interventions dans l'organisation propre de l'entreprise. Donc, des choses très, très innovantes parfois, et il ne faut pas hésiter à inventer des stratégies. Donc, vous allez avoir là toute une série de sources d'informations de ce qui a été fait. Et je pense que ce qui est particulièrement important pour les entreprises, c'est surtout ce qui n'a jamais été fait, ce qui n'a pas encore été fait. Et donc, je pense qu'il y a un appel à la créativité qui est parmi les responsabilités. responsabilité que vous allez pouvoir exercer, d'inventer de nouvelles formes de partenariat qui vont pouvoir intéresser les sources privées d'agglomération. Je vous ai remis ici quelques éléments qui sont importants quand on met en place une stratégie de recherche de fonds dans la sphère privée. Voilà, la question de la notoriété, la promotion, l'image, quelle est la relation clientèle, etc. C'est une série d'éléments que j'ai repris par ailleurs, mais qui sont intéressants. Alors, le contexte des limites budgétaires des pouvoirs publics a amené notamment ces mêmes pouvoirs publics à développer toute une série de nouvelles stratégies, et notamment celles qui partent du public et qui vont vers le privé, qui font le passage de l'un à l'autre, c'est-à-dire mise en place de fonds publics qui sont destinés à soutenir des initiatives privées sur des modèles de fonctionnement qui sont ceux d'entreprises privées. Par exemple, le fonds STAR, qui est basé à Mons et qui est un fonds initié par la région Wallonne, qui a cette capacité de déposer des fonds et de structurer les fonds avec une volonté de créer de l'activité économique par le biais de la taxe. Le fonds STAR fonctionne avec des, soit des prêts, soit des prises de capital vers des projets qui sont soit des projets de design, soit des projets, par exemple, de création en audiovisuel, création de films d'animation, tout ce qui concerne l'architecture. Il y a toute une série de secteurs. Alors, c'est vrai que c'est souvent, c'est pas exclusivement, mais c'est souvent, des secteurs du champ culturel qui ont un impact économique assez vite mesurable. Hein, donc on voit bien, par exemple, que tout ce qui est nouvelles technologies sur l'image, hein, c'est un potentiel d'activité qui a un marché assez vite accessible et assez potentiellement rapidement rentable. Ça va être plus difficile quand on va être sur un travail de médiation dans des quartiers avec un travail culturel, mais qui va peut-être être moins rentable économiquement. Donc le fonds STAR qui va plus soutenir des créateurs de mode, par exemple, hein, qui vont chercher à sortir une nouvelle ligne de vêtements et qui vont pouvoir faire un business plan à l'intérieur de leur projet, d'accord, de développement. Et donc STAR va leur... On va les aider à démarrer, hein, c'est le nom du programme. Wallimage, qui soutient les productions audiovisuelles, hein, ça vous connaissez probablement, avec là un modèle qui a fait cette preuve aujourd'hui, ça fait une quinzaine d'années que ça existe, Wallimage. C'est un fonds également wallon, qui, donc là je vous en donne deux qui sont issus de la région wallonne, mais il y a les mêmes à Bruxelles, Wallimage a maintenant un versant bruxellois. Et il y a toute une série d'autres stratégies de ce type-là à Bruxelles, hein, mais je vous donne deux. Et donc là, une voie à l'image, l'idée c'est que le fonds soutienne des productions audiovisuelles, mais donc finance une partie de ces films, hein, généralement, films de fiction, mais qui doivent investir en Wallonie. Donc, c'est-à-dire que l'idée c'est d'injecter de l'argent dans un circuit économique qui va revenir sur les pouvoirs publics. Pourquoi ? Parce que avec le subside que les réalisateurs de films, ou les producteurs plutôt, reçoivent de Wallimage, ils ont la contrainte de devoir réaliser une série de dépenses en Wallonie. Comme par exemple, les structures de montage des films, les lieux de repérage, les lieux de tournage, les techniciens, les catering, les, etc. Tout ce qui tourne autour de la création d'un film comme service, doivent, une bonne partie doivent être dépensées en Wallonie. Évidemment, avec la TVA, on renourrit le circuit économique et donc en réalité, pour 1 euro investi par Wallimage, il y en a 1,5 qui est réinjecté dans le circuit. D'accord ? Donc en fait, Wallimage, c'est un fonds de départ et puis c'est un fonds qui s'entretient parce que, à force de générer 1,5 euro chaque fois qu'on en donne un, bah forcément on recrée, on augmente le fonds de départ et donc on peut diversifié et aujourd'hui, si vous allez voir Wallimage, fait plein de choses différentes. On a ouvert des tables de succursales, des filiales, des machins, un truc, une vraie usine à gaz. Alors qu'au départ, c'est un tout petit fonds, mais qui a super bien pris. Et c'est comme ça que vous avez une série de films français, par exemple, qui sont tournés en Belgique parce que Wallimage les soutient, mais qui du coup sont tournés sur le label, ou en tout cas par des techniciens. Donc voilà, tout ça, c'est le tax center cinéma avec le processus de défiscalisation et qui est en train d'être ouvert maintenant, notamment aux arts de la scène, ce qui va générer évidemment, alors pas pour tout le monde, hein, de nouveau, l'idée, je pense que le tax center ouvert aux arts de la scène va plutôt soutenir les grands théâtres, ceux qui ont la capacité d'attirer des investisseurs privés. A priori, la petite compagnie qui essaye de survivre avec son spectacle et qui essaye de le placer dans quelques centres culturels aura du mal à attirer sur elle des investisseurs privés que la défiscalisation va intéresser. Elle va attirer plutôt de plus petites sources de financement. Donc, a priori, on ne va pas soulager la globalité ou l'ensemble du champ de la création, mais on va soutenir quelques grands opérateurs qui, eux, vont pouvoir évidemment développer. Il y a une étude du CRISP qui date un petit peu maintenant de quelques années, mais qui est toujours intéressante si jamais les choses. Ça date de. Donc le CRISP, Centre de recherche et d'information sociopolitique, 2010 ou 2011, je ne sais plus. Qui traite des questions du financement privé de la culture et qui pose notamment la question d'abord de l'émergence de ces financements privés dans le contexte d'affaiblissement des financements publics, avec des logiques qui sont trouvées, qui sont des logiques de concentration des financements sur quelques opérations, sur quelques événements, sur quelques territoires, c'est-à-dire que les entreprises ne vont pas, vont plutôt avoir tendance à financer des projets sur des territoires, par exemple, urbains, parce que là, il y a une concentration qui a un effet plus direct du retour sur l'investissement. Une logique de compétition entre opérateurs, il peut y avoir une logique de concurrence qui s'installe, en tout cas, c'est ce que l'étude du CRISP relève, alors que les financements publics, comme ils sont dans une logique plutôt de distribution et de saupoudrage, eh bien, elles ne génèrent pas de facteurs de concurrence, a priori. C'est ce que dit le tien. Et puis, et ça c'est évidemment important, une entreprise, elle ne va pas soutenir un projet qui va être peu consensuel, qui va être militant, qui va être engagé, qui va peut-être faire preuve d'un propos relativement radical, critique. D'accord? Donc forcément, l'entreprise, elle ne va pas se retrouver au milieu d'une polémique où son nom va être associé à un différend ou à des propos. Et donc forcément, la logique du financement privé va vouloir cibler ou privilégier les projets plus consensuels, ceux qui ne vont pas être dans la critique. Ça peut aller jusqu'à des questions éthique importante. Moi, je me suis retrouvé un jour, quand je dirigeais le centre culturel du Brabant-Wallon, face à une question de ce type-là. Il y a donc j'étais directeur du centre culturel du Brabant-Wallon, okay, au sud de Bruxelles, et sur l'autoroute qui va de Bruxelles à Mons, il y a une nouvelle station-service qui s'est créée à Nivelles. Vous voyez peut-être pas, mais c'est avec une arche, un nouveau restaurant, etc. Et Total. C'est l'ère d'Orival. Et Total Fina, à l'époque ça s'appelait encore Total Fina, je crois, crée cette nouvelle station-service et c'est en plein actualité où on a découvert que Total soutenait la junte birmane. Vous savez qu'à l'époque en Birmanie il y avait un pouvoir fort détenu par les militaires et on s'est aperçu que pour des questions de contrat, etc., Total avait soutenu avec des financements. Une dictature. Et en même temps, il y avait un pétrolier qui avait sombré en. Enfin, bref, il y avait. Tous les jours, on parlait de Total comme une société pétrolière qui avait un impact catastrophique sur la Terre. Et eux étaient en train d'inaugurer cette nouvelle station-service. Et donc, ils sont venus nous voir en nous disant, à nous, centre culturel, nous proposons de mettre à disposition sur le parking. Des espaces pour valoriser des artistes du Brabant. Parce qu'on veut changer notre image et on veut que les gens qui s'arrêtent entre Bruxelles et Paris pour faire une pause puissent avoir accès à des œuvres d'artistes contemporains, terrain, etc. Et c'est vous qui programmez et nous, on paye tout. Ok? Bon, donc nous, on reçoit cette demande-là et on se dit, ok, on lance une réflexion en disant, c'est une opportunité pour nous, c'est une opportunité pour les artistes, c'est une opportunité pour un public qui ne s'attend pas spécialement à rencontrer des œuvres sur un parking d'autoroute. Vous voyez un peu le schéma un peu brutal là qui peut arriver, mais ça s'est fait nulle part. Bref, on voit toute une série de choses. Et puis, il y a un débat qui émerge et qui dit oui, mais notre image va être associée à celle de Total, Total étant en réelle difficulté à l'échelle, l'échelle de nos sociétés contemporaines européennes qui regardent ça, évidemment. Ailleurs dans le monde, on n'a pas nécessairement le même regard. Et donc, on va vraiment se poser la question. Et il va y avoir un vrai débat qui va naître au sein du centre culturel pour choisir, oui ou non, de suivre la proposition de Total, sachant que si on la suit, ça nous engage à mettre en valeur des artistes, mais à avoir notre nom associé à une entreprise qui, a priori, a une image relativement dégradée. Et que si on ne le fait pas, on loupe une possibilité. Et que par ailleurs, ça risque de nous fermer d'autres portes par ailleurs, que c'est peut-être refuser de mettre un pied dans un escalier qui pourrait nous mener ailleurs en termes de structure de financement, de stabilité du centre culturel. Donc il va y avoir un vrai débat. Et donc cette question-là, elle est importante parce que il n'y a jamais aucune de ces... ici, les choses étaient assez... Les deux arguments, les deux points de vue étaient assez clairs. C'est-à-dire, on voyait bien pourquoi on aurait dit oui et pourquoi on aurait dit non. D'accord ? Mais parfois, c'est plus subtil et plus fin que ça. Et donc, il y a quand même toujours une recherche, une analyse, une lecture à faire de quel type de sponsor vous souhaitez voir intervenir. Quelle est l'association d'image ? Elle est autant pour le sponsor que pour vous, en réalité, puisque c'est la rencontre des deux. Et donc, quelle est... Je pense que ça reste important qu'il y ait une réflexion là-dessus. Alors, ça ne va pas faire des débats, ici ça a pris des mois, ça a été, voilà. Mais ça ne doit pas toujours être comme ça, mais en tout cas qu'il y ait toujours un peu une réflexion sur finalement un geste, mon projet culturel, il a une valeur, il a une image, et donc qu'est-ce que ça donne quand je l'associe à d'autres images? Est-ce que ça va ensemble? Est-ce qu'il y a une correspondance ou est-ce qu'il n'y en a pas? Et est-ce que c'est seulement le sponsor qui doit décider de ça? Ou est-ce que moi-même je réfléchis à une... stratégie, à une position par rapport à ça. Et enfin, la question des nouvelles modalités de financement, qui sont des financements privés, mais qui sont des financements directs, c'est-à-dire que c'est le citoyen qui finance par le biais des crowdfunding et autres sources de souscription, etc. Souvent, ce sont des projets qui sont soutenus ou des événements, voire des créations, le prochain disque de tel musicien, donc des financements plutôt conjoncturels, mais avec une évolution qui est en train de s'opérer maintenant sur des financements structurels. Donc, par exemple, le Crédit à Charleroi, qui est une nouvelle structure liée au cinéma et à l'image d'animation, etc., a lancé une souscription au moment de ce bâtiment a été inauguré il y a quelques mois. A lancé une souscription sur son fonctionnement. Donc non plus sur des projets, mais structurellement sur son fonctionnement. Et donc voilà, alors je sais qu'il y a une d'entre vous qui analyse ces questions-là dans son mémoire, puisque la question qui arrive après, c'est est-ce qu'à un moment donné, les financements publics vont être remplacés par ces sources de financement? Et quelle est la stabilité, quelle est la durabilité de ces événements-là. Alors avant de clôturer, et vous l'aurez dans le PowerPoint, je voulais vous parler du Gémagri, qui a fait l'objet d'un partenariat de type mécénat de compétences, où GDF Suez, qui est l'association de le distributeur d'électricité de gaz que vous connaissez, Electrabel en Belgique aujourd'hui, Engie, ça change tous les 6 mois de nom, mais c'est cette structure-là, qui a installé un mécénat de compétences autour du musée Magritte, où là l'idée c'est que GDF, à l'époque où ça a été conçu, c'était comme ça, ça s'appelait comme ça, a rénové tout le bâtiment de l'hôtel Altenau, vous connaissez, à sa charge. Donc ils ont construit dans le bâtiment, vous voyez un peu le musée qu'on a construit une deuxième pot à l'intérieur du bâtiment, pour une valeur de 6,5 millions. Et donc il n'y a pas eu un euro qui a circulé. C'est les équipes de GDF qui ont pris en charge tout le processus de travaux. Ce qui a généré, quand on entend le responsable qui a piloté tout ce suivi-là, ça a généré dans le chef de GDF et des équipes de GDF évidemment un travail d'image et d'équipe, de motivation et dynamisation de l'équipe, mais aussi de compétences, puisqu'ils ont dû faire un travail de recherche très important sur comment créer à l'intérieur d'un bâtiment qui date, qui est daté, qui a une histoire, comment créer ces deux écoutes techniquement, comment générer une énergie verte qui est un travail de laboratoire expérimenté sur ce bâtiment-là, qui a servi par la suite pour d'autres travaux sur la fourniture. Et donc voilà comment, autour d'un projet colossal, et qu'il y a d'autres sources de complications qui sont intervenues, mais voilà comment un projet important, qui est aujourd'hui un des rendez-vous majeurs en matière touristico-culturelle, de programmation touristico-culturelle à Bruxelles, a pu être possible, a été rendu possible, parce qu'une entreprise a trouvé un intérêt pour elle-même à réaliser un investissement au service d'un projet culturel et patrimonial. D'accord ? Donc, c'est un cas d'étude intéressant parce qu'il va très loin dans l'échange et dans la définition de cet échange. Et donc, de la mesure de ce que chacun a gagné. Le public et les musées ont gagné un espace culturel important et particulièrement fréquenté. Et l'entreprise a gagné une compétence qu'elle peut valoriser, qu'elle a pu valoriser, qu'elle peut valoriser encore dans d'autres endroits. Donc ça, c'est la question de la créativité dont on peut faire preuve quand on est dans des stratégies comme ça de recherche de fonds dans les financements privés, ce qui n'est pas du tout le cas quand on est dans des stratégies de financement public, où là, on va plutôt être dans une stratégie de conformité. L'idée, c'est de se conformer aux intentions du législateur, dans le décret tel qu'il l'a écrit, dans le formulaire tel qu'il est présenté. On va être plutôt dans une logique de conformité, alors que en financement privé, où les règles sont évidemment très souples et très, très lâches, et c'est bien positivement envoyé, vous savez bien. C'est plutôt la force de votre créativité qui va faire emporter votre projet. Est-ce que vous avez des questions? Alors, panorama un peu rapide, mais des différentes ressources qu'on peut mettre en place. C'est une question qu'on va poser très tôt dans la chronologie d'un projet, parce qu'évidemment, de ça dépend des ressources économiques et là-dessus, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis la semaine prochaine, début de semaine.